Et les violents, vous les entamiez à la fois? Comment vous faisiez? Vous faisiez un violent entier, puis vous commenciez un autre, ou Oui. alors vous entamiez plusieurs Non, violents à la fois? deux par deux. Et vous travaillez avec des moules en dedans ou en dehors? Les deux. Ah oui. Ça dépendait de quoi, ça? Ça dépend du modèle qu'on voulait. Il y avait des violents qui étaient qui sont des modèles en dedans, d'autres des modèles en dehors. Mais vous trouvez les deux méthodes aussi pratiques? Trois là, c'est pareil. Pour moi, c'était pareil. Ah oui, d'accord. Bon, non, c'est toujours deux ensemble.